À 2h30 du matin, le boulet se trouvait par le travers du 30e parallèle lunaire, à une distance effective de 1000 km réduite à 10 par les instruments d'optique. Le relief lunaire défilait sous les yeux des voyageurs, ils n'en voulaient pas perdre un seul détail. Voici une exacte description de ce que voyaient de cette hauteur Barbicane et ses compagnons. Des colorations assez variées apparaissaient par larges plaques sur le disque. Barbicane remarqua également de larges cratères dépourvus de cônes intérieurs qui jetaient une couleur bleuâtre, analogue au reflet d'une tôle d'acier fraîchement polie. Plus loin, il nota une teinte rougeâtre très suffisamment accusée. Michel Ardan était en observation près du président quand il remarqua de longues lignes blanches vivement éclairées par les rayons directs du soleil. C'était une succession de sillons lunaires. Michel, avec son aplomb habituel, ne manqua pas de s'écrier « Tiens, des champs cultivés !»« Des champs cultivés !» répondit Nicole, haussant les épaules. « Labouré tout au moins !» répliqua Michel Ardan. « Mais quel laboureur que ces sélénites et quels bœufs gigantesques qu'ils doivent atteler à leur charrue pour creuser tel sillon !»« Ce ne sont pas des sillons, » dit Barbicane. « Ce sont des rainures qui mesurent de 4 à 50 lieues de longueur et dont la largeur varie de 1000 à 1500 mètres. » De ces diverses rainures, les unes étaient absolument droites et comme tirées au cordeau. D'autres présentaient une légère courbure tout en maintenant le parallélisme de leur bord. Celles-ci s'entrecroisaient, celles-là coupaient les cratères. Ici, elles sillonnaient des cavités ordinaires. Là, elles zébraient les mers, telles que la mer de la Sérénité.